Puis, tout est vide. On est le grain que le vent sème. On n'entend pas le cri qu'on a poussé soi-même. On sent les profondeurs qui s'emparent de vous. Les mains ne peuvent plus atteindre les genoux. On lève au ciel les yeux et l'on voit l'ombre, horrible. On est dans l'impalpable, on est dans l'invisible. Des souffles par moments passent dans cette nuit. Puis on ne sent plus rien. Pas un vent, pas un bruit, pas un souffle. La mort, la nuit, nulle rencontre. Rien, pas même une chute affreuse ne se montre. Et l'on songe à la vie, au soleil, aux amours. Et l'on pense toujours, et l'on tombe toujours. Et le froid du néant lentement vous pénètre. Vivant, tomber, tomber, et tomber sans connaître où l'on va, sans savoir où les autres s'en vont. Une chute sans fin, dans une nuit sans fond, voilà l'enfer.